Agent Hachette, vous êtes viré. Non, je déconne, vous faites du très bon boulot. Continuez comme ça, mais ailleurs. Comment ? Vous avez une promotion, ma petite. Mais comme vous êtes maintenant au même poste que moi et qu'il ne peut y avoir qu'un seul commissaire, on vous mute. C'est le tout premier commissariat à ouvrir là-bas et il sera tout à vous. Vous pourrez embaucher quelques petits policiers et policières si vous vous sentez seul. Enfin, vous gérez la boutique, quoi. Il n'y a pas de réglementation concernant les effectifs là-bas ? Je sais pas. Vous verrez ça avec le shérif, hein. Il sera ravi de vous aider. Enfin, j'imagine. Le shérif ? Où je suis muté déjà ? Bah, je sais pas trop. Un petit coin tranquille, qu'on m'a dit. Bérangère ou un truc dans le genre. Ah oui. Si j'ai oublié de vous donner vos billets, votre transport part demain à 7h. Comme vous n'avez pas de famille, ça ne devrait pas être trop compliqué de tout empaqueter ce soir. Je me suis même arrangé avec votre voisine si vous voulez laisser votre chat ici. Pourquoi je laisserais mon chat ? Oh bah vous savez, avec le sable, ça a tendance à s'enrayer ces petits chabottes. Eh bien c'est très avenant, merci. Mais quelle voisine ? Allez ma petite, bon voyage. Envoyez-nous une petite carte électronique en arrivant. Et merde. Monsieur ? Eh oh ! Monsieur ! On est arrivé ? Ah ! Vous descendez pas, vous ? Vous croyez que c'est à foutre d'attendre que tout le monde prenne son temps comme ça ? Oui, pardon. Putain de machine qui fonctionne. Oh, une merde ! Oh ! Cette saleté à plumes. Il est con. Bonjour. Bonjour. Stacy. Non. O'Hara. Stacy O'Hara, c'est moi, je suis le shérif. Ah, commissaire Hachette, avec un H. Enfin deux. Et deux T. Et deux aussi. H. Hachette. Ouais. J'ai mal à la tête, tout sable. Vous n'avez pas l'habitude ? Ah bah si, je tombe tout le temps. Enfin, vous verrez, vous aurez l'habitude vous aussi. Bienvenue sur Germaine. Merci. Ah bah il est là. Hubert, viens là, vieille couille. Arrête de picorer le monsieur et viens ici. Non mais il est jeune, c'est pour ça que... Vous savez, tout juste débourré, faut savoir les dresser correctement. Hubert, au pied. On devrait peut-être y aller. Ouais, ouais, c'est bon. Il arrive, vous en faites pas. Vous avez pas un speeder? Un truc comme ça? Ah bah non. Vous voyez, là-bas, c'est la mer de sable. Ça fonctionne pas très bien dessus. Enfin, ça avance 5 mètres et puis ça disparaît dans le sable. Il y a un gars, une fois, qui a réussi à avancer sur presque une dizaine de mètres. Enfin, il était plus là pour nous le raconter. Il avait mis sa ceinture de sécurité, il a pas eu le temps de la défaire avant de se faire gober. Mais ça reste une belle performance. Mais vous en avez un deuxième de comme ça, là ? Galimélidé. Et pourquoi faire ? Il a des bosses, hein. Dans le désert où il fait chaud, le shérif et son destrier chevauchent toute la journée. Avec le soleil dans le dos, O'Hara, O'Hara. Ça va pas, non ? Eh, c'est moi qui l'ai écrite, vous savez. D'accord. Je vais pouvoir rajouter un couplet sur vous. Non merci, ça ira. Un, deux. La la la la la la la. Avec cache... Avec cachette et... Oh, c'est pas facile. C'est bon, merci. Vous n'êtes pas obligé. Bah, je vous ferai ça bien et je vous la chanterai quand je l'aurai tout écrit. C'est quoi ce truc énorme, là ? C'est une dune. Non, le truc plus loin, en métal ou je ne sais quoi, qui se détache du reste. Ah, c'est le frontière. Et autour, vous verrez le village dans pas longtemps. Le frontière ? C'est un vaisseau, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? C'est à qui ? Un vaisseau ? Je sais pas, c'est un dinner motel, quoi. Vachement réputé dans le coin. La patronne, c'est Iluria, le cuistot, c'est Mac. Réputé dans quel coin ? Bah, dans le village. Vous savez, il n'y a pas grand-chose d'autre ici, hein. Il y a toujours des voyageurs venus des quatre coins de la galaxie qui passent par le motel. Pour ça, elle est forte, la patronne. Ils arrivaient dans le village à dos de leur galimalée. Je me suis trompé d'une syllabe. C'est pas grave, je l'ai fait exprès. Alors voilà, bienvenue à Germantown. Wow, quelle originalité. En vrai, il a pas de nom. Je cherchais juste un truc cool pour que vous soyez impressionné. Mais pourquoi il a pas de nom, le village ? Parce que c'est le seul endroit où il y a des gens sur Germaine 231. Ah ! Bah ça, c'est impressionnant. Ouais. Ouais, j'avoue. Et c'est moi le shérif. Alors, ma petite dame, ce que vous voyez, c'est Main Street. La seule, l'unique. L'unique quoi? Rue? Et ouais, ma bonne dame. Ça va, shérif? Ouais. Maintenant, est-ce que vous pourriez arrêter de prendre cet air abruti et m'expliquer sérieusement tout ce qu'il y a ici? Ouais, bah là, c'est une maison. Là aussi. Derrière également. Oui, je vois bien. Et du coup? Bah rien, c'est juste des maisons, quoi. Y'a rien d'intéressant ici. Je vous ai dit, y'a un dîner motel, c'est exceptionnel. Et c'est tout. C'est Germaine de 131. Je sais pas quoi vous attendiez, mais... y'a qu'un seul effectif de police, c'est moi. Du coup, je suis le seul gradé. Je suis un peu comme un auto-entrepreneur ici, vous savez. J'ai mon propre patron. Montrez-moi ce qu'il y a d'intéressant, alors. Bah, je fais ce que je peux, c'est une longue avenue. Il n'y a pas de truc intéressant à chaque coin de rue. Il n'y a même pas de coin de rue, en fait. Allez, Hubert, plus vite. Ah, là, à droite, c'est le médecin. Docteur HOU53. C'est un droïde ? Un ginoïde. Elle est venue s'installer il n'y a pas longtemps. Et juste à côté, c'est le croque-mort. Enfin, je simplifie, mais en gros, c'est celui qui s'occupe du recyclage des morts. On l'appelle Popo. Le composteur. En vrai, je sais pas comment il s'appelle, mais ça le dérange pas, Popo. Continue, quoi. D'accord. De toute façon, vous pouvez pas le louper, c'est le seul qui a la peau. C'est le seul alien ? Ah non, pas du tout, mais c'est même pas un alien, hein. Il a peut-être une maladie de peau, je sais pas. Il est pas très bavard, en fait. Là, on a l'épicerie du coin. Elle a un nom ? Bah, c'est l'épicerie du coin, c'est écrit dessus. Ok, d'accord. Elle est tenue par qui ? Apou et Michel Ducoin. Ah ! Ah, d'accord. Et ils ont plein de trucs. Des trucs à manger, pas à manger, et d'autres trucs. Une épicerie, quoi. Ouais, voilà. Là, on a la mairie, mais elle est vide, donc on peut pas y aller. Y'a pas de maire ? Si, mais il est jamais là. Où est-il alors ? Je sais pas, il habite même plus sur Germaine 231. On l'a pas vu depuis plusieurs années. Quoi ? Mais il a été élu pour combien de temps ? Ah, il a pas été élu, il a juste acheté la mairie. Ça fait de lui le maire, je suppose. Mais y'avait qui avant dans la mairie ? Personne, c'était vide. On nous a dit qu'il fallait une mairie pour être reconnu dans l'annuaire des planètes et corps astro habités si on voulait pas qu'ils détruisent ou exploitent notre astéroïde. Du coup, on avait une baraque vide, on a marqué mairie dessus, et c'était bon. Et un jour, un mec est venu, il a visité la ville et il a flashé sur la mairie, il a acheté. Là, c'est chez les Digites. Ils savent tout faire, cela. Ils réparent tout, absolument tout. Leur boutique, on dirait une brocante, mais avec que des trucs utiles. Mais comment vous gérez la ville sans maire ? On n'a pas besoin de maire. On a le shérif O'Hara ! D'accord, ça va. Pas la peine de crier. Soleil dans le dos, qui en saute tout bas, marchant dans le lit. Allez, on va au saloon. Je croyais que c'était un diner. On continue pas la visite ? Ah bah non, ouais, on a fait la moitié de la ville, c'est déjà pas mal, hein. Et puis bon, je suis venu vous chercher aussi, je crève de soif, moi. Puis Hubert a faim. Et moi aussi. Salut la marmaille ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, commissaire ! Commissaire ! Joyeux anniversaire ! C'est votre anniversaire ? Non, c'est pour vous souhaiter la bienvenue. Mais bon, on savait pas quoi chanter, alors... Y'a bien le vieux Walker, là, qui a proposé autre chose, mais on n'avait pas à savoir s'il chantait ou nous insultait. Eh bien, merci. C'est gentil. Hey, chef, ça sera un arrache-gueule et un Fat Mac pour moi, s'il te plaît. Mais non, il est pas que t'es gros. C'est le nom de ton burger. Parce que tu te le sens des fois. Et pour vous, commissaire ? Elle, je sais pas. Moi, ce sera du poulet grillé. T'en as pas cette merde ici ? Exactement. Ah, bonsoir commissaire. Ravi de voir que vous avez rencontré ma sœur. Nous sommes comédiens de rue. Actuellement, elle est en train de vous interpréter son meilleur rôle, Jacques l'éventreur. Ah oui, mais ouais, complètement. Je me disais bien que ça me rappelait un truc. Mais c'est très réussi en tout cas, hein. On voit vraiment la rage et le désir meurtrier dans ses yeux. Et on dirait vraiment que vous êtes une pute et qu'elle veut vous arracher les tripes. Pardon ? Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Écoute-moi bien, mon petit Stéphy. On ne dit pas le mot pute dans vos dingueurs ! Ouais, mais tu viens de le crier. Je vais te défoncer la gueule. Pardon. Et vous, commissaire, vous prendrez quoi ? Vous avez des suggestions ? Il y a des oignons dans celui-là. Je vais prendre la même chose que le shérif O'Hara. Venez-y, je pense que ce sera bien pour vous ici. Hein ? Vous pouvez vous mettre là, et puis bah moi je me mets ici, comme d'habitude. Mais... pourquoi on se met pas à la même table ? Bah je sais pas d'où vous venez, mais c'est quand même mieux d'avoir chacun son bureau. Son bureau ? Mais vous travaillez sur quoi de là d'où vous venez ? Bah, un bureau, pas une table de diner. Vous n'avez pas un commissariat ? Un office de shérif ? Si, mais non, on est mieux ici, regardez. On n'est pas trop près des toilettes, et on n'est pas trop près du comptoir non plus. Et en plus, on est face à la vitre. Et comme ça, personne vient nous faire chier. C'est le principe de notre métier, d'avoir affaire aux gens et de les aider. Ouais, ça va, j'ai compris. Vous préférez la banquette, c'est ça ? C'est bon, c'est un tabouret. Venez à ma table. Vous comptez m'amener au commissariat après ? Non, mais je sais que vous allez me défoncer quand il y sera, donc je préfère qu'on me mange d'abord. Puis comme ça, vous profitez du repas et moi, je me prépare psychologiquement. Et bon appétit, monsieur dame. Bon appétit. Mmh. Oh, dépêchez-vous de le manger, sinon il va se barrer. Et là, je lui ai même pas dit au revoir. Thug life de ouf. Ah ouais. Bon, là il y a votre lit, mais je vous conseille plutôt d'aller sur les toilettes, hein, parce qu'on a tendance à plus savoir contrôler ses sphincters après son premier arrache-gueule. Et puis bah moi je m'en vais, hein, parce que j'ai pas trop envie de voir ça. Allez, salut. Ah ouais, cool. Ça va aller? Bon, de toute façon vous tomberez pas plus bas. Bon bah bonne nuit.